Ça va, Marie? Du fait, à mon avis, de la fonte des glaciers, et aussi, à mon avis, le barrage qui turbine peut-être de plus en plus. Et qui, parce qu'avant, quand j'étais gamin, tous les soirs, ils ouvraient. Ouais. Ah ouais? Tous les soirs, ouais. Tout l'été, tous les soirs, ça ouvrait. Ouais. Il y avait l'ouverture des vagues. Je le sais très bien parce qu'on a failli se noyer. Bref. Ah ouais, ouais, tous les soirs, ils ouvraient les vagues. Donc ça drainait vachement, tu vois, le sable, toutes les petites particules, elles étaient emmenées, elles continuaient leur route vers la Romanche et tout ça. Et maintenant, moins. Donc tous ces petits matériaux, ça sent sable, et le sable qui vient se stocker près du barrage, bah, il remonte au fil des années. Et les gros rochers, ben, descendent. Et le Vénéon, maintenant, il y a beaucoup moins de vagues. Et ça, on le voit bien. En rave, carrément. Et il s'élargit. En fait, c'est ça. C'est la rivière, t'as une... Du coup, là, on l'a plus. Du coup, j'ai fait la rivière. En gros, t'as une pente naturelle. Tu vois qui se crée. T'as une pente naturelle de, avec des falaises, des planches. Je vois l'image. T'as la roche mère et t'as la pente naturelle qui se crée. Avec les grands moustaches. Et puis là, ils ont, ça fait une trentaine d'années, ils ont fait le barrage, et donc bah, déjà, dès les premières années, t'as un ensablement qui se fait vraiment à l'amont du barrage, c'est pour ça que chaque année, tous les soirs, ils ont des vannes, que ça, pour évacuer ces années. De moins en moins, alors ils doivent peut-être vouloir turbiner un peu. Et puis alors du coup, au fur et à mesure des années, vu que la rivière, elle veut reprendre sa pente naturelle, et ben tous ces gros cailloux qui sont au fond de la rivière, et ben ils seront ensablés, comme tu dis. Et du coup, ça recrée cette pente naturelle. Donc ça élève globalement le niveau. Donc ça élève globalement le niveau de la rivière. Ouais. Et en bas, ça se voit super bien. Avant, juste avant le barrage, il n'y avait pas de forêt comme ça en plein au milieu de la rivière. Et donc bah tu vois, au fur et à mesure, donc bah il y a les alluvions qui se posent. Il y a des petits arbres qui remontent. Mais ça, c'est pas plus mal parce que la forêt, elle fait aussi le lit de la rivière. Si t'as plus de forêt, ça va redevenir. Elle va tenir. Plus rien. Voilà. Elle tient les rochers. Elle fait un lit avec des méandres. Parce que les grosses crues, elles sont dévastatrices. Mais le problème qui se passe, c'est que ils ont fait un endiguement dans les mêmes années que le barrage. Et tu vois, cet endiguement, par contre, à l'amont, il perd son efficacité. En fait, il se fait en sable, Je pense que d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils sont intéressés par le milieu de pour toi avoir une idée de ce qu'ils effectivement, après, la fonte des glaciers, ça dégage de... Aussi. Ça dégage du... Aussi, embarqué, quoi. Carrément, et je crois que c'est pas une connerie, plus il recule, ça chauffe les roches sur lesquelles ils sont installés, et ces roches, elles font fondre les glaciers par le dessous, et il y a plein de micro-particules qui partent. Mais après, l'hydrologue, ça, il peut savoir, hein, mais tu vois, pareil, quand les glaciers fondent, avec le recul des glaciers... Ici, les glaciers en oisans, ils reculent hyper vite. Ouais. Parce que c'est un massif qui est peu arrosé en précipitation, donc il y a peu de neige. Donc dès que la neige a fondu, les glaciers reculent. C'est un massif qui est sec ici. Je crois qu'il y a 100 mm de moins qu'à Beldon, par exemple, sur une année en pluie. C'est énorme.